C'est dans nos campagnes, au lever du soleil, le coq sur la paille, nous chante sa rengaine. Et pour se lever, toujours du bon pied, on sort dehors pisser et prend un bol d'air frais. Ensuite, direct à tape pour la mioter. Mioter. Et dans nos villes, ça se pire à mort. 7h du mat, tout le monde debout, tout le monde dehors. À peine de péter de chanteur, alors tu sautes dans ton calmar, tu sors chez toi. Mais toujours dans le coltard, coltard. C'est dans nos campagnes, pour se marrer un peu. On va le samedi au bal, pour taquiner la gueuse. Et après quelques bières et quelques plans limés, on n'a plus la santé pour satisfaire la belle. Alors, on rentre direct pour aller cuver. Cuver! Et dans nos villes, le soir venu, pour s'éclater, on sort du bistrot en troquet. Chercher l'âme sœur pour la soirée, avec les potes on va gâcher. Histoire de boire, de boire et déconner. Et déconner, et déconner, déconner, déconner. Le cœur sur la paille,